Je n'avais guère été jusqu'alors courir dans les rues avec les gamins du bourg. Une coxalgie, dont j'ai souffert jusque vers cette année 1880, m'avait rendu craintif et malheureux. L'arrivée d'Augustin Mosne, qui coïncida avec ma guérison, fut le commencement d'une vie nouvelle. Avant sa venue, lorsque le cours était fini, à 4 heures, une longue soirée de solitude commençait pour moi. Mon père, M. Sorel, transportait le feu du poêle de la classe dans la cheminée de notre salle à manger. Et peu à peu, les derniers gamins attardés abandonnaient l'école refroidie où roulaient des tourbillons de fumée. Il y avait encore quelques jeux, des galopades dans la cour. Puis, la nuit venait. Les deux élèves qui avaient balayé la classe cherchaient sous le hangar leurs capuchons et leurs pèlerines, et ils partaient bien vite, leurs paniers au bras, en laissant le grand portail ouvert. Alors, tant qu'il y avait une lueur de jour, je restais au fond de la mairie, enfermé dans le cabinet des archives, plein de mouches mortes, d'affiches battant au vent, et je lisais, assis sur une vieille bascule, auprès d'une fenêtre qui donnait sur le jardin. Mais quelqu'un est venu qui m'a enlevé à tous ces plaisirs d'enfant paisible. Quelqu'un a soufflé la bougie qui éclairait pour moi le doux visage maternel penché sur le repas du soir. Quelqu'un a éteint la lampe autour de laquelle nous étions une famille heureuse à la nuit, lorsque mon père avait accroché les volets de bois aux portes vitrées. Et celui-là, ce fut Augustin Mosne, que les autres élèves appelèrent bientôt le grand Mosne. Dès qu'il fut pensionnaire chez nous, c'est-à-dire dès les premiers jours de décembre, l'école cessa de déserter le soir, après 4 heures. Malgré le froid de la porte battante, les cris des balayeurs et leurs seaux d'eau, il y avait toujours, après le cours dans la classe, une vingtaine de grands élèves, tant de la campagne que du bourg, serrés autour de Mosne. Et c'était de longues discussions, des disputes interminables, au milieu desquelles je me glissais avec inquiétude et plaisir. Mosne ne disait rien, mais c'était pour lui qu'à chaque instant, l'un des plus bavards s'avançait au milieu du groupe et, prenant à témoin tour à tour chacun de ses compagnons, qu'il approuvait bruyamment, racontait quelque longue histoire de maraude que tous les autres suivaient, le bec ouvert, en riant silencieusement. Assis sur un pupitre, en balançant les jambes, Mosne réfléchissait. Au bon moment, il riait aussi, mais doucement, comme s'il lui réservait ses éclats de rire pour quelque meilleure histoire connue de lui seul. Puis, à la nuit tombante, lorsque la lueur des carreaux de la classe n'éclairait plus le groupe confus des jeunes gens, Mosne se levait soudain et, traversant le cercle pressé, « Allons, en route » criait-il. Alors, tous le suivaient et l'on entendait leurs cris jusque la nuit noire dans le haut du bourg. Et c'est ainsi que tout commença, environ 8 jours avant Noël.